Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés d'Elaspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 16. Chapitre 6. Un juron s'échappa des lèvres de l'émir qui se redressa brusquement. Ses compagnons lui jetèrent un regard surpris. Avec un soupir, il expliqua: C'est insensé, mais je crois. Non, je suis sûr que le télépathe qui dirige l'Aspar est Stafford Monterny. Devant les regards interrogatifs tournés vers lui, il poursuivit: Vous avez sans aucun doute entendu parler de Stafford Monterny, le surmutant que nous avons combattu en 1981. Je sais, cela remonte à plus de 350 ans, mais nous avons alors frôlé la catastrophe. J'ai réussi à le neutraliser en sabotant son astronef qui, ne pouvant plus se diriger, s'est crassé contre un astéroïde. Je pensais bien ne plus jamais entendre son nom. Et là, soudain, alors que je sondais discrètement les pensées des anges occupant la pièce où Massas et Arx viennent de pénétrer, j'ai effleuré l'esprit de Stafford Monterny. Or, ce n'est pas possible! Il est mort! Et même si, par miracle, il avait survécu, il lui aurait fallu un activateur cellulaire pour vivre aussi longtemps. Je ne comprends vraiment pas comment. Es-tu sûr de ne pas te tromper? Non, Rick, il ne peut pas y avoir le moindre doute. Même si je n'ai eu qu'un contact d'une fraction de seconde pour ne pas me faire repérer, j'ai trop bien en tête le schéma mental de Monterny pour commettre une erreur. Est-ce que cela risque d'être dangereux pour Mazas? C'est une vraie catastrophe. Avec lui, elle ne pourra pas dissimuler la mission qui lui a été confiée par Atlan. L'émir, il faut absolument que tu fasses quelque chose! Après avoir parcouru quelques couloirs dont les accès étaient défendus par des désintégrateurs ou des projecteurs d'acide, et où il fallait à chaque fois montrer patte blanche, le guide épané s'arrêta devant une porte monumentale gardée par deux gigantesques nattes munies de radions lourds. Les sentinelles brandirent leurs armes en direction des arrivants, et l'une d'elles les interpella d'une voix de rogogne. Venez-vous faire ici. Le Triumvirat souhaite recevoir ses deux visiteurs. Leur nom? Mazas Pavel et Arx Lantilon. Le Cerbère hocha sa tête massive. C'est bon. Ils sont entendus. Il allongea l'un de ses longs bras flasques et appuya son pouce sur un contacteur fixé dans le mur. Un hublot s'ouvrit dans la porte et le garde annonça: Les visiteurs du Triumvirat sont arrivés. Bien. Lentement, un des battants se rabattit. Deux éconides, pointant des désintégrateurs, apparurent sur le seuil. D'un rapide coup d'œil, ils s'assurèrent que les hôtes de l'Aspar étaient désarmés. Puis, ils les invitèrent à entrer, pendant que leur escorte faisait demi-tour. Suivie de son amie, la jeune femme obtempéra et découvrit une vaste salle meublée de quelques tables rondes et de chaises. Au fond, face à elle, une sorte d'estrade supportant un imposant bureau en métal, derrière lequel étaient installés trois personnages, un aconide et deux antis. Dans l'un d'eux, elle reconnut le vénéré Ralgotal. Adossé contre deux des murs, une douzaine de nattes formaient une haie, les mains crispées sur des radiants chocs, leurs trois yeux fixés sur les arrivants. Debout, un peu en retrait des chefs de l'Aspar, se tenait une silhouette drapée dans une tunique noire, ornée d'un soleil transpercé par un éclair carminé. Des bottes rouges, dont les tiges disparaissaient sous le vêtement ample, complétaient la tenue du personnage. Son visage aux traits réguliers paraissait figé. Une chevelure noire, maintenue par un bandeau couleur sang, roulait sur ses épaules. Mais la Karzassienne reporta rapidement son attention sur le Triumvirat, s'efforçant de faire le vide dans son esprit. Arx, dont le schéma mental était tellement complexe que ses pensées ne pouvaient être lues, n'avait pas ce problème et paraissait complètement indifférent à ce qui l'entourait. L'aconide leur désigna des sièges. « Bonjour à tous les deux. Je suis Léphos Tarnin. Veuillez prendre place. Nous avons besoin de faire plus ample connaissance. »« Bonjour, messieurs. Moi aussi, j'ai hâte de connaître les gens qui m'ont permis de m'échapper d'OMU 17. » Et elle s'installa confortablement dans le siège contour qui lui avait été désigné. L'octopode fit de même, mais Mazas, qui le connaissait bien, sentit subitement qu'il était inquiet et sur ses gardes. Elle n'eut guère le temps d'approfondir les raisons qui pouvaient motiver sa soudaine méfiance. « Ravi de vous revoir !» déclara Ralgotaal avec un sourire froid qui démentait la chaleur de ses paroles. L'autre Antille prit la parole. « Je m'appelle Viner Borghal et je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Aspar. » « Juste une précision. Pour l'instant, je ne me sens pas encore intégré à votre organisation, même si j'ai apprécié son efficacité. Il va falloir que vous m'en appreniez plus pour que j'accepte de m'engager. » « Pensez-vous vraiment avoir le choix ?» Arx se raidit instinctivement et Mazas lui adressa un bref sourire, l'incitant au calme. « Dois-je prendre cela pour une menace ?»« Peut-être. » Le numéro 3 tenta de décrisper l'atmosphère. « Si vous racontiez à l'attention de mes compagnons ce qui vous est arrivé et ce qui vous a amené à renier votre appartenance à l'OMU, nous pourrions mieux vous connaître. » « Oh, c'est très simple. Il y a quelques jours, mon frère Rick a été accusé du meurtre d'un prince marchand particulièrement proche du Lord Amiral Atlan. Je le connais trop bien pour croire à sa culpabilité. C'est pourquoi j'ai demandé une entrevue au patron de l'OMU, afin de lui faire part de mes certitudes. Mais il n'a rien voulu entendre. J'ai alors eu le tort de m'énerver et d'exiger qu'il abandonne les recherches contre Rick, en remerciement des services rendus à l'organisation. J'ai ainsi pu découvrir la vraie nature de l'Arconide. Il est bien comme la majorité de ses compatriotes, imbu de sa personne et n'éprouvant qu'un mépris condescendant vers tous ceux qui sont sous ses ordres. » Un bref sourire détendit les lèvres de Léphos Tarnil qui approuva. Bonne appréciation. Poursuivez. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Comme je me rebellais contre sa décision, il m'a mis aux arrêts de rigueur et m'a assigné à résidence sur OMU 17, me privant ainsi de toute possibilité d'aider mon frère. À partir de ce moment, je me suis considéré délié de tout engagement vis-à-vis du Lord Amiral et de son organisation. Je n'ai plus qu'une idée, trouver un moyen de quitter le planétoïde. Et cela étant devenu possible, grâce à l'intervention de Nero Starnberg, j'ai sauté sur l'occasion. « Êtes-vous prête à rejoindre nos rangs si nous vous aidons à retrouver et à innocenter votre frère ?» Elle tourna brièvement son regard vers Arx, qui s'agitait sur son siège, et répondit fermement. « Oui, sans hésitation. » Le vénéré hocha la tête d'un air satisfait. « Elle ment. Cette femme ment !» La foudre tombant soudain dans la salle n'aurait pas fait plus d'effet. Mazas sursauta et contempla l'homme en noir qui venait de lancer cette accusation et qui s'approchait des membres du triumvirat. L'antilange jaillit de son fauteuil, mais sur un signe de l'être mystérieux, des gardes Naat le prirent sous le feu de leurs armes. Le corps tétanisé de l'octopode roula au sol sans proférer le moindre son. La jeune femme poussa un cri et fit mine d'aller vers son compagnon. « Ne bougez pas !» Elle se raidit et se rassit à regret. Lentement, elle tourna la tête vers le nouvel intervenant. « Qui êtes-vous? Et pourquoi m'accusez-vous de mensonge? Pourquoi avoir fait abattre mon ami qui ne menaçait personne ?»« Taisez-vous! Sachez que je suis Stafford Monterney et que je lis dans votre esprit comme dans un livre. »« Monterney? Le surmutant ?» Avouez que pour une surprise, c'en est une. C'est impossible. Je sais que le surmutant avait défié la troisième force au début de son existence. Mais je sais également que l'émir l'a éliminé en sabotant son vaisseau. Je constate que les agents de l'OMU ont une certaine culture et connaissent l'histoire de leur passé. Mais vous vous trompez sur un point. Ce maudit mulot castor a échoué dans sa tentative de me supprimer. Comment est-ce possible ? Petite curieuse. Mais je vais satisfaire votre désir. Lorsque je me suis aperçu que mon réacteur énergétique était hors d'usage et que les commandes ne répondaient plus, je dois avouer que j'ai bien cru ma dernière heure venue. Puis, je me suis rappelé que mon appareil possédait une capsule d'hibernation. J'ai donc ordonné au dernier fidèle qui m'accompagnait dans ma fuite de m'y introduire et de déclencher le processus de cryogénie. Après quoi, ils m'ont expulsé dans l'espace. Ce qui fait que je n'étais plus dans l'intercepteur quand il a percuté l'astéroïde. J'ai ainsi dérivé pendant près de 160 ans, avant d'être recueilli par un vaisseau franc-passeur. Mes sauveteurs avaient été rejetés par leur famille, et ils ont procédé à ma réanimation. Ils sont alors, évidemment, devenus mes plus fidèles collaborateurs. Vous me racontez des histoires, car, si c'était vrai, vous auriez plus de 400 ans. Or, si l'on tient compte de votre temps de cryogénisation et des progrès de la science, qui permet actuellement de vivre 130 ou 140 ans, vous devriez être mort depuis plus d'un siècle. Ou bien, il faudrait que vous ayez mis la main sur un activateur cellulaire. Non, rien de pareil. Ce que vous dites est vrai pour un corps humain. Mais moi, quand j'ai été atteint par la vieillesse, j'ai fait transférer mon cerveau dans celui d'un androïde très perfectionné. Ce qui remplace avantageusement un activateur cellulaire. Vous êtes devenu un robot ? Dans votre petite enveloppe charnelle, vous êtes un être inévitablement mortel. Moi, j'ai décidé de prendre le temps nécessaire pour abattre celui qui s'était opposé à moi et qui a pris depuis le titre de Stellark. J'ai nommé Perry Rodan. J'ai rajouté à ma vengeance l'Arconide qui lui sert d'ami fidèle depuis des siècles, votre chef vénéré, le Lord Amiral Atlan. Pendant toutes ces années, j'ai tissé ma toile, enrôlant les gens susceptibles de m'aider dans ma vendetta. Dans le même temps, je développais certaines facultés parapsychiques que je ne possédais jusqu'alors qu'à l'état latent. À présent que mon organisation est au point, j'ai décidé de lever le masque et d'entreprendre la destruction de l'Empire solaire dont je désire prendre la tête une fois ses dirigeants éliminés. Il ne vous est pas interdit de rêver. Détrompez-vous, ce n'est pas une vue de l'esprit. Malheureusement, vous n'assisterez pas à mon triomphe, car d'ici quelques jours, lorsque vous m'auriez appris tout ce que votre esprit cherche à me dissimuler, vous serez exécuté en compagnie de l'être hideux qui vous accompagne. Et je ne ferai un plaisir d'expédier vos têtes à mon vieil ennemi, accompagné de celles de ce fouineur de Mulon Castor et de ses compagnons qui vous attendent, caché à bord du vaisseau fantôme. Malgré son habitude des affaires mal engagées, et dont il avait toujours réussi à se sortir jusque-là, l'émir était perplexe. Il avait suivi minute par minute l'entretien de Mazas et du Triumvirat. Puis, l'intervention de l'androïde abritant le cerveau de Stafford Monterney lui avait confirmé qu'il ne s'était hélas pas trompé en reconnaissant l'empreinte psychique du surmutant. Il avait sursauté en apprenant que son ennemi connaissait sa présence et celle de ses amis, et il se demanda aussitôt comment leur adversaire comptait s'y prendre pour les neutraliser. Mais, comme il fonctionnait souvent à l'instinct, il empoigna Rick et Steve chacun par un bras et se téléporta à l'aveuglette. Et retomba au sol en se tordant de douleur. Pendant quelques instants, sous l'œil inquiet de ses comparses, il s'évertua à respirer profondément, attendant que la tétanie de ses muscles se calme un peu. « Que s'est-il passé ? Et comment te sens-tu ? » s'informa le pilote qui, tout comme le mercenaire, était retombé sur le plancher de la gazelle avec plus ou moins de douceur. L'Ilt secoua la tête, comme pour en chasser les brumes, et annonça d'un ton monocorde « Monterney nous a piévés. » Il devait être à l'affût des pensées de Mazas bien avant qu'elle ne se présente au Triumvirat. Et il savait depuis un certain temps que nous nous dissimulions ici. Ce qui lui a permis d'entourer le petit vaisseau dans lequel nous nous cassons d'infants énergétiques quintidimensionnels. Le seul obstacle que je ne peux pas traverser. Merde ! Que pouvons-nous faire ? Rien. Attendre. Sans un mot, Ruth Black Bear vérifia posément l'état de ses armes et les déposa devant lui. L'émir admira son sang-froid imperturbable, mais il se sentit obligé de lui enlever ses illusions. « Quand le surmutant s'occupera de nous, il n'y a que moi qui pourrai lui résister. Et sans doute avec difficulté, car il semble avoir développé des pouvoirs qu'il ne possédait pas quand on les combattut il y a si longtemps. Il prendra sans coup férir vos esprits sous son contrôle et pourra même vous obliger à m'abattre si cela lui tente. » Le descendant des Cherokees grimaça, puis, toujours aussi calme, il enleva les charges énergétiques de son radiant et de son désintégrateur, qu'il tendit au mulot castor. « Comme ça, tu ne risques rien. si je dois te prendre pour cible. Rick Pavel et Steve Omirirsing se jetèrent un coup d'œil avant d'agir de même. L'émir enfourna les chargeurs dans deux des poches de sa combinaison et tenta de rassurer ses compagnons d'infortune. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir faire, mais ne désespérez pas. Comme le dit le vieux proverbe terranien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous allons essayer de montrer à ce maudit Monterny que nous ne sommes pas encore complètement morts. À la mention de l'émir et de ses amis, Mazas sentit son estomac soudain se contracter. D'un seul coup, le fait d'avoir été démasqué lui semblait insignifiant. Elle avait toujours songé à cette éventualité, mais savoir que le mulot castor pouvait intervenir à n'importe quel moment la tranquillisait pleinement. Et voilà que, subitement, son monde de certitude s'écroulait sous ses pieds, la laissant comme abasourdie. Pendant que les pensées les plus diverses se bousculaient dans sa tête, le surmutant s'expliquait avec le triumvirat. « Je vous avais bien dit que Nero Sternberg était un imbécile. Il va d'ailleurs payer sa stupidité et sa suffisance. Il a cru manœuvrer cette femme alors que c'était lui le pantin. Si je n'avais pas été ici au moment de la venue de notre invité, elle aurait sans doute réussi à tromper votre vigilance. Et comme vous auriez ignoré la présence du mulot castor, elle aurait eu toute l'attitude de découvrir les coordonnées de Plogan et de les transmettre à l'Astromarine. » Inutile de vous faire un dessin pour imaginer ce qu'il en aurait résulté. Le vénéré Raigotaal tenta de se justifier. Lorsqu'elle est montée à bord du Bossalor, le seigneur Corlan l'a amenée jusqu'à ma cabine. Et je l'ai sondée, ainsi que son compagnon. Je n'ai rien détecté de suspect, sinon que l'esprit de l'Antilan est un vrai chaos indéchiffrable. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. C'est pour cela que je l'ai fait abattre par les gardes. Il s'agit sans doute d'une précaution excessive, mais il y a déjà eu assez d'erreurs commises pour que je me méfie. Par contre, je suis consterné de constater la légèreté avec laquelle vous acceptez certains faits. Par exemple, personne ne s'est étonné d'apprendre que le vaisseau qu'Arne Domaté avait piraté sur OMU-17 avait disparu corps et biens, sans avoir signalé le moindre incident de vol. Moi, je me suis posé des questions dès que j'ai eu l'information. Un pilote aussi expérimenté que Domati n'avait pas pu faire de fausses manœuvres. J'ai donc commencé par supposer qu'il avait été rattrapé par le vaisseau qui les avait pris en chasse. Mais ce n'était guère probable, car les Terraniens n'ont pas encore trouvé le système permettant de pister un astronef dans l'entre-espace. Donc, il ne restait plus qu'une hypothèse. Celle que le prototype ait été piégé. Ce qui signifiait que nos gens sur OMU-17 avaient été manipulés et que la charmante jeune femme qui est devant vous était une espionne. Et depuis que j'ai lu dans son esprit que mon bon ami l'émir était dans les parages, je sais que c'est lui le responsable de leur disparition. Sans doute à l'aide d'une bombe transportée par téléportation. Il se tourna vers Mazas et la contempla pendant quelques instants. Son visage quasiment inexpressif lui donnait l'air sinistre. « Vous allez passer un moment en cellule, ainsi que votre animal, s'il reprend connaissance, le temps que je m'occupe de votre maudit mulot castor et de ses comparses. Lorsque vous aurez tous réunis, je fouillerai au plus profond de vous-même pour en retirer tous les renseignements qui pourraient m'être utiles. Puis nous procéderons à une exécution générale, dont nous ferons parvenir un cristal mémoire à celui qui est encore, pour peu de temps, le Stellarque de Sol. » Il fit un signe en direction des gardes, et quatre gigantesques Naats se détachèrent du mur et s'approchèrent des prisonniers. L'un d'eux saisit la jeune femme par un bras, tandis que deux autres s'emparaient du corps inerte de l'octopode. Le dernier surveillait la scène tout en braquant son arme en direction de l'agent de l'OMU. Le petit groupe se mit en marche et quitta la salle du conseil, laissant le triumvirat en tête-à-tête avec un surmutant triomphant. Ils s'engagèrent dans le passage emprunté à leur arrivée, mais obliquèrent à droite dans le premier couloir latéral. Une vingtaine de pas les mena devant une lourde porte en terconite, gardée par deux honneaux bardés d'armes en tout genre. Ces natifs d'honneur, grands et décharnés, parlaient comme tous leurs congénères une langue abâtardie dérivée de l'intergalacte, et Mazas eut beaucoup de mal à suivre la brève conversation qu'ils eurent avec le responsable de la petite troupe de Naat. Finalement, l'un d'eux se retourna face au ventail et pianota un code sur le clavier d'ouverture. Un bref claquement signifia que les verrous se rétractaient et l'épais battant glissa sur le côté avec un chouettement sourd, découvrant un corridor donnant de part et d'autre sur des cellules fermées par des grilles. « Voici vos nouveaux appartements !» énonça le gardien qui maintenait solidement le bras de la jeune femme, manifestant un humour qu'elle ignorait possible chez ces êtres. Il la poussa vers une géole vide dont il referma la porte derrière elle. Arx, quant à lui, fut proprement jeté à l'intérieur de la suivante, qui fut, à son tour, verrouillée avec soin. Puis, les quatre Naat, leur mission accomplie, franchirent en sens inverse le ventail qui menait à la prison. Du regard, Mazas inspecta son lieu de détention. Plutôt spartiate. De fait, le seul mobilier consistait en un bas-flanc recouvert d'une couverture synthétique, d'une chaise fixée au sol et d'un seau pour les commodités. Cet hôtel est minable. Je crois que je vais me plaindre à mon syndicat. Depuis de longues minutes, l'émir semblait dormir, ce qui commençait à énerver Steve qui tournait en rond comme un ours en cage sous le regard légèrement ironique de ses deux autres compagnons d'infortune. Fataliste, où le Black Bear et Rick Pavel s'étaient assis, le dos appuyé à une cloison, ils attendaient, sans manifester le moindre signe de patience. L'hérédité de l'un et l'éducation sévère de l'autre leur permettaient de supporter plus facilement leur situation actuelle. Les pensées du mercenaire étaient tournées vers sa sœur. Il s'inquiétait pour elle et se demandait ce qu'elle devenait. Des souvenirs se bousculaient dans sa tête et il en passa un certain nombre successivement en revue. Tout d'abord, la décision de Mazas, adolescente, de suivre le métier guerrier de son père adoptif et de ses frères. Puis, prouvant au petit coq de village qui se gaussait d'elle qu'elle ne leur était en rien inférieure. Avec un sourire, il se rappela la déconvenue cuisante subie par bien des moqueurs et, plus tard, la fierté débordante de Papa Pavel lorsque sa fille obtint brillamment ses lettres de noblesse au sein du corps des mercenaires carsaciens. Quelques combats en sa compagnie lui revinrent à l'esprit, en particulier celui de Ferro Nova, où il avait eu l'occasion de sauver la vie de Melbar Kazom, ce qui lui avait valu une invitation du Lord Amiral à rejoindre les rangs de l'OMU. « Il s'approche !» énonça Lilt en ouvrant les yeux, mais sans se donner la peine de bouger. Un peu comme s'il était indifférent ce qui allait suivre. Ses compagnons se redressèrent instinctivement, mais personne ne demanda qui était « il ». Ils n'eurent guère de temps à attendre. L'interphone mural de l'armurerie lança deux petites notes aiguës et une voix les interpella. « Bienvenue sur Plogan !» Je n'osais pas imaginer avoir un jour le plaisir de revoir l'être Oni qui a été la cause directe de mon échec en 1981. C'est vrai, me direz-vous. Cela fait bien longtemps, mais j'ai la rancune tenace. Et je suis particulièrement heureux de bientôt pouvoir satisfaire mon obsession de vengeance. Je comptais bien l'assouvir un jour ou l'autre, mais j'apprécie la délicatesse que vous avez eue de venir délibérément vous jeter dans mes bras. Je ne manquerai pas d'en remercier Père Irodan lorsque je lui expédierai vos dépouilles. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Désolé, mon ami, mais tous les atouts sont dans ma main. Les cartes que vous croyez posséder ne sont que des figures sans valeur. Dans quelques minutes, je pénétrerai dans votre refuge et je vous enverrai rejoindre vos deux complices qui croupissent déjà dans leur prison. Je serais curieux de voir ça. Mais Rick, qui le connaissait bien, crut déceler une légère inquiétude dans sa voix. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 6 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes,